Alors, il lut toute la lettre. À la fin, elle s'excusait d'avoir agi ainsi sans façon avec Forcheville et lui disait qu'il avait oublié ses cigarettes chez elle. La même phrase qu'elle avait écrite à Swann une des premières fois qu'il était venu. Mais pour Swann, elle avait ajouté « Puissiez-vous y avoir laissé votre cœur, je ne vous aurais pas laissé le reprendre. » Pour Forcheville, rien de tel, aucune allusion qui peut faire supposer une intrigue entre eux. À vrai dire d'ailleurs, Forcheville était en tout ceci plus trompé que lui, puisqu'Odette lui écrivait pour lui faire croire que le visiteur était son oncle. En somme, c'était lui, Swann, l'homme à qui elle attachait de l'importance et pour qui elle avait congédié l'autre. Et pourtant, s'il n'y avait rien entre Odette et Forcheville, pourquoi n'avoir pas ouvert tout de suite? Pourquoi avoir dit « J'ai bien fait d'ouvrir, c'était mon oncle » si elle ne faisait rien de mal à ce moment-là? Comment Forcheville pourrait-il même s'expliquer qu'elle eût pu ne pas ouvrir? Swann restait là, désolé, confus et pourtant heureux.